Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 22e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هذا الكتاب كتاب مغلق. نعم. معنى الثلث عندك دقيقة الجم دقائق عجبا يعجب ممتاز ممتاز جاهز يجهز نصح ينصح وربع رجاء يرجو طيب نسوي بالباقية التمرين الرابع الساعة الأولى الآن كم الساعة الآن هذه؟ الساعة الآن الثانية عشرة والثلث. نعم. التي تحت. الساعة الآن الثامنية وخمسة وعشرون. الثامنة نعم الثامنة الثامنة نعم الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة سبعة وخمسة وعشرون دقيقة مؤنث يخالف كل ما بين ثلاثة عشر يخالف تحت الساعة الآن الثانية والثامنة والعشرون والثامنة والثامنة والعشرون كم عيد الساعة الآن الثانية والثامنة والثامنة والعشرون لا نحن الثامنة الآن نحن نريد الشيف نعمل سيكون الثمانية Comment tu dis Mouzaka 80. 80, il y a Tanouin Ou Aishrouna 80 ou Aishrouna Non. Thumma Asarat al-An, Rabi'a, il a Ashara Dakarik. نعم تحت الساعة الآن الثامنة إلا خمسة وعشرين دقائق هو خمسة إلا خمسة وعشرين دقائق دقيقة دقيقة Je répondrai pas. À la petite tarte. تفضل. الساعة الآن عشرة عشرة ونص. كم؟ عشرة ونص. لا سبعة ساعة عشرة. نعم جدار الميل. لكن أنت ما تعلمت هكذا أنت بقى دي عشرة ونصف. طيب عشرة وثلاثون. لا ما هو الخطأ حصل يا عندك الساعة الآن العاشرة ونصف. جزاك الله خير. العاشرة جزيلا. طيب تمارين خامس إما الفراغات في الجملة الآتية باختيار الكلمات المناسبة لما يلي. طيب الجملة الأولى الفندق فندق الصداقة الخدمة فيه ممتازة. نعم ممتازة. طيب ثانيا ولذلك أعجب قليلا. نعم ثالثا جهز الموظف الحساب في الساعة السابعة صباحا. نعم رابعا استلم خالد فاتورة في الساعة التاسعة وثلاثين. نعم خامسا قال الموظف لخالد نرجو أن نراك مرة أخرى. نعم غادر خالد فندق في فندق فندق في الساعة العاشرة تماما. تماما طيب يعني أنا ما أدخل على ذلك طيب أسئلة ماذا يريد خالد؟ يريد فندقا مناسبا. في أي فندق نزل خالد؟ اجلس. في فندق من الدرجات الثانية. ما اسمه؟ ما اسمه الفندق؟ كيف في النص مكتوب زي كده في الهوتيل اللي هيتي بالتاك زي كده في الهوتيل اللي هيتي زي كده في الهوتيل بالتاك زي كده الرحمن نزل في صندوق الصداقة. نعم ثالثا تفضل لماذا فضل خليل فندق صداقة؟ لأن غرفه لأن غرفه غرفة نعم لأن غرفه واسعة وأجرته مناسبة. نعم رابعا في أي طابق سكن خالد؟ سكن في الطابق الحادي عشر. نعم خامسا كم أجرة غرفتي في اليوم؟ أجرته في اليوم 100 ريال. أجرتها هو نعم يعني أجرة الغرفة. نعم أجرتها. نعم سادسا ماذا فعل خالد قبل أن يغادر الفندق؟ قبل المغادرة دفع الحساب. نعم طيب. ثم أثاني كوين حوار لا كلنا نتركه. ثالث أجيب على الأسئلة الآتية. لماذا طلب موظف الاستقبال البطاقة الشخصية من خالد؟ عندك؟ طلبها من خالد طلبها منه ليعرف من يمكث في الفندق ولأيضا لما وأيضا لما يحدث المشاكل أو لكسر الحساس. إذا بسلمة. وإذا. نعم. وإذا كسر الأساس. إذا كسر الأساس. أو إذا كسر الأساس. كسر. اجلس. ثانيا لماذا فضل خالد فندق الصداقة؟ نعم. ثالثا ما الفرق بين فندق الدرجة الأولى والثانية؟ الأجرة والخدمة سيرفيس والغرف طيب. رابعا ما عمل موظف الاستقبال في الفندق؟ هو الذي يستقبل الأشخاص ويفحص عن البطاقة الشخصية. نعم. طبعاً. سندخل في الوحدة السابعة. الموضوع السادس في الدرس. الثاني وعشرين وهو كيف أتوضأ. هذا موضوع فقهي أحسن مما قد مر بنا في أول الكتاب. كيف أتوضأ؟ كيف معروف سيحكم أتوضأ سيجب توضأ يتوضأ في الوضوء. الكلمة الجديدة المسجد معروف، صلاة معروف، وضوء معروف، الوضوء عند نفسي لا يفرق بين الوضوء والوضوء لكن فتحة أكسيكات دو كوت لا تابري لوت لا Le wado, c'est l'eau que tu utilises. Et le wado, c'est l'action. En fait, fait de faire le wado. C'est comme suhur ou sahur. Le sahur, avant le fajr, c'est le repas que tu prends avant pour pouvoir jeûner. Le suhur, c'est le temps dans lequel tu prends ce repas. Tawadda'a, yatawadda'u. Ça, c'est le verbe. Faire le dos. اليد la main. الكف c'est la paume et ça peut être aussi de la main des fois parce que la main اليد ça peut aller de du bout du doigt jusqu'à l'avant-bras. Et la kef, c'est vraiment la main toute seule, ça peut être la paume de la main. El mod mada, ça c'est mettre dans sa bouche et la remuer et la recracher. Adi mod mada. El stincher, c'est aspirer l'eau par le nez. Estincher, c'est aspirer l'eau par le nez. Ça, c'est un masdar, hein, c'est pas un verbe. Hein. C'est le fait d'aspirer l'eau par le nez. Ou l'estinfar, c'est la ressortir par le nez. Expulser par le nez. Qala yakoulou, dire, ma'alouf. El rasl, c'est le lavement. Rasl. Non. Rousse là, c'est ce qu'ils disent là comme ça, Rousse. Rousse aussi c'est un masdar, mais c'est le rousse, c'est le grand lavement. Nejanaba et Kubara. Parce que tu es en état d'impureté majeure, comme ils disent. Ou le jumu'a. C'est le laver en fait. C'est quoi? Lavage. Lavage. La douche. Là, ça c'est plutôt le rousse. Ah, parce qu'il y a une différence entre Ross et Rousse. El-Mirfaq, coude. Le coude. Le jeune, c'est Marafir. Non. El-Ouzoun, l'oreille. Marlouf. El-Rijl, là c'est le pied. Ça peut aussi être appliqué pour toute la jambe. Mais là, ce qu'il y a, c'est le pied. Tout comme le pied tout seul, on peut dire qadam. Oui, aussi. Al-Ka'b, c'est la cheville. Al-Ka'b, c'est la cheville. Mas'hun, c'est un essuyage. C'est le fait d'essuyer. Aboun Marlouf, terre. Ah, c'est de la terre. Ah, c'est pas de terre. D'ailleurs. Akhiran, c'est à la fin, en dernier. Aboun, c'est père. Non. Terre. Moi aussi, je vois. Non, la père. Akhiran, c'est en dernier, à la fin, pour finir. Adaoun, c'est accomplissement. Une chose. Une chose qui va derrière. Ibnoun, fils. Shafatoun, une lèvre. Allez, une lèvre. Nantaka, yantiko, c'est prononcer. Ou parler aussi. El wajou, ça c'est le visage. Tamam, el hiwar. Kef, c'est la main. Ça peut être aussi la paume, mais c'est la main. Aliyad et Kef, il n'y a pas trop de différence. Aliyad, ça peut être jusqu'à l'avant-bras. Et Kef, c'est restreint à la main. Ça peut être la paume aussi. La paume de la main. Taïb, akbarukuma yakhouz al-ab, wa asharukuma yakhouz al-ibn. أنت الابن وأنت الأب. تفضل. Ya walidi. Si tu dis walidi, ça change. C'est le walid. Walidi, c'est le père. Avec un maître. Non. En fait, c'est vers où, pour dire où te rends-tu. Il n'y a pas de verbe, mais ça, ça veut dire. Où te rends-tu, ô mon père. Il dit, au masjid, pour accomplir la salat. C'est pour l'accomplissement de la salat. Là, c'est un masdar. Mais en français, on ne peut pas dire pour accomplir, on peut dire pour accomplir la salat. Mais l'ada, on a dit, c'est l'accomplissement d'une chose. Alim. Prends-moi avec toi, ô mon père. Khouzni, c'est le membre de Akhaza Yakhouzo. Donc, allez, va faire le dos, fais le dos, assez fier homme. Donc, comment je fais le dos? Taqul, bismillahirrahmanirrahim, summa rasul kefei, wa madmadatu, summa istinshaq, wa istinsar. ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين الى المرفقين ثم مسح الراس ثم مسح راسي ومسح الاذنين واخيرا غسل الرجلين الى الكعبين وسنه ان تفعل ذلك ثلاث مرات. نعم. Donc tu dis بسم الله الرحمن الرحيم. Ensuite le lavement des mains, des deux mains. Ensuite, elle m'a qui est le fait de mettre dans sa bouche et la revue. Fumma. Elle est sincère ou elle est sincère. Le fait de mettre dans son nez et de le ressortir par le nez. Fumma rase le wedge, le lavement du visage. Fumma rase le yadein, le lavement des deux mains. Il est mieux faire caïn jusqu'aux deux coudes. Thumma masa ras, essuie la tête, essuyage de la tête. Wa masa al-dhunayn, le fait d'essuyer les oreilles. Wa akhiran, et pour finir, ghusl al-rijlayn ila al-ka'bayn, le lavage des deux pieds jusqu'aux chevilles. Et la sunna, que tu fasses tout cela trois fois. Wa hadha ad-dalil min hadhihi al-umur. Asah hadith fi hadha al-bab. C'est le hadith qui a été rapporté selon Othman. Rahimahullah, il a dit Da'a Othman bi wudu, bi ma' ou bi wudu, je ne me rappelle plus. Que Othman a demandé de l'eau pour faire le dos. Thumma asala yadou yumna ou asala kafei. En plus, puis il avait ses deux mains. Thumma taman mada wa samshaka wa samthara. Puis il mit l'eau dans sa bouche pour la remuer. Il aspire par le nez pour le ressortir. Et à chaque fois, salasan aussi. Dans le hadith, salasan, trois fois. Et là, c'est un truc qu'il y a à savoir dans le dos. C'est quand tu fais le dos. Mais ce qui est répondu, c'est que les gens, ils font quoi? Ils font un mode mordant à Wallen. Il prend, il crache. Il prend, il crache. Il prend, il crache. Après, il fait le nez. Là, c'est que la même main, tu mets dans la bouche et dans le nez. D'une même puisée. Et après, tu craches et tu sors à l'eau. C'est ça la sunna. Quand tu vas avoir plus de lettres dans la langue arabe, les lettres dans le hadith qui viennent, qui prouvent en fait les choses, elles sont faites en même temps. Donc en fait, c'est t'aspires d'une même fusée de mots, d'eau, et le nez en même temps. Comme ça. Et après, tu craches, et tu ressors avec le nez. Trois fois. C'est pas évident de faire en même temps. S'habituer. Ça la sunna, s'habituer. Je dis pas que si tu fais pas à ton endroit, il est bon, tu vois. Oui. Mais c'est le hadith, c'est ça qui l'amène. Thumma rasala wajhahu thalathan. Je parle de dans un hadith Othman. Thumma rasala yadou al-yumna ilal yushaq. Il lave sa main droite jusqu'au coude. Thumma yusla bi thalika. Ensuite, à ma gauche, de la même façon. Thumma masaha bi ra'si. Ensuite, il essuie sur sa tête. Donc, dans le hadith, il ne parle pas des oreilles. Thumma asala rijlahu al-yumna ila al-ka'b. Ensuite, il lave son pied droit jusqu'à la cheville. Thumma yusra bi thalika. Puis le gauche. Thumma qala ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tawaddou nahwa wudu'i hadha. Il dit j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faire le dos comme je viens de le faire actuellement. Et ça c'est le hadith le plus authentique qu'il y a en sujet. Et les oreilles, c'est dans un ajout qui explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bada bi muqaddam sur la tête, du début de la tête, hatta zahaba bihima ila qafa jusqu'à derrière, thumma raddahuma min haythu badaha. Et il est remis de là où il a commencé, c'est-à-dire qu'il a fait ça, il est revenu. Et après un hadith qui dit qu'en fait il a mis le majeur dans le trou et le pouce, voyez, al-ibham, khaf, ayon. Ah, l'index, ouais, le majeur celui-là. L'index ici et le pouce derrière. Ah, c'est d'autres hadiths qui sont venus après. Parce que moi, des fois, en fait, ce que je fais là, quand je fais le dos, je fais ça, je me lave à ça et des fois, je passe l'index là, comme ça. Parce que avec le pouce. Des fois, je connais pas de hadith qui dit si tu passes un index, juste au pouce. Non, donc c'est l'eau. Et la sunna, c'est de le faire trois fois. Tu peux le faire deux fois, tu peux le faire une fois aussi. La tête Tout. Même la tête trois fois. Non, la tête une fois. Dans le hadith, il a pas dit ça à la fin pour la tête. Ni les oreilles. Lui dans le texte, il précise pas. Ouais, non, si, il le dit à la fin. Ouais, mais il n'a pas précisé que non. C'est une fois. C'est ça. Mais non. Donc là, il a pris son fils à faire le dos. Et ah oui, quand on dit jusqu'au coude, il y a la main aussi, on la regarde. Ah oui. On fait ça, t'as fait. طيب اولا نستمع وردد لا يبقى entrer dans al musanna une fois de plus al marfu c'est marfu avec le alif يقول للانسان يدان donc l'homme a deux mains للانسان رجلان l'homme a deux jambes للانسان اذنان l'homme a deux oreilles للانسان عينان l'homme a deux yeux للإنسان شفتان l'homme a deux lèvres في اليدين مرفقان donc là il veut dire dans les avant-bras في اليدين là c'est pas la main elle-même parce qu'il dit il y a deux coudes le coude il est où en haut de l'avant-bras il est pas dans la main donc là quand ils disent في اليدين là ils visent quoi à l'avant-bras في رجلين كعبان et dans les pieds deux chevilles Filiadeini, kafani. Et dans la main, dans les deux mains, deux paumes. Là, il précise bien que le kef, là, il veut dire quoi par là? La paume. Mais des fois, ça peut être la main toute seule aussi. Ça dépend ce qu'il y a devant. Si tu me dis une chose qui cosise, c'est quoi la main? On va savoir c'est quoi le kef. Si tu dis rien, on ne peut pas savoir vraiment ce que tu dis. Alors, on dit, comme là, c'est venu, tarsil, yadak, il est mieux faire. Tu lèves ta main jusqu'au coude, on a compris que tu veux dire quoi là par là? C'est tout devant moi. Le fait de préciser jusqu'au coude, c'est une précision qui amène à quoi? À dire que tu ne vises pas que la main en elle-même. C'est pas besoin de le dire. Thanian, istami wa raddid. Donc là, vous avez vu aussi quoi que le musanna, quand il est majrour, avec un hafajar, son apparence est comme celle du mansoub. C'est avec un ya. Vous voyez que c'est avec un ya. Le alif. Il n'est plus là, on met un ya à la place. Alain, yaqul, l'insanu yamalu bil yadayn. L'homme travaille des deux mains. Donc là, yadayn, il est majrour. Et par ba, le ba qui est devant, le bi là. Et le signe de son jar, c'est le ya. Comme le mansoub, c'est le ya. Ils sont pareils en apparence. Thanian. الإنسان يمشي على رجلين. L'homme marche sur les deux pieds. La رجلين il est majrour à cause de على وعلامة جره الياء. Et son signe de jar c'est le ya. الإنسان يسمع بالأذنين. L'homme entend par les deux oreilles. رابعا الإنسان ينظر بالعينين. L'homme entend l'homme voit à fond par les deux yeux. Al-insanu yantiqu bishafatayn. L'homme parle ou prononce par les deux lèvres. Kafi surat al-balad alam najal lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Ne lui avons-nous pas attribué deux yeux, une langue, ainsi que deux lèvres. Ça c'est les mêmes, Shafatein, Ainein. Mais l'Isen, l'Isen, t'en as une seule, une langue. L'Isen, t'en as une seule. Et comme vous avez dû le savoir, tout ce qui est dans l'anatomie humaine qui est en pair, c'est en féminin. Tout ce qui est en pair sur l'homme, dans les membres ou quoi, c'est en féminin. Vous voyez ? Adi Yad, Adi Ain, Adi Uvun, Adi Riju, ainsi de suite. Salisan ajib comme un fil namouzaj. Namouzaj, Ada Rasun. Après, vous mettez au Mouannas, au Moussanna, Hazani Rasani. Donc, Hada, c'est l'ism Shara, Muzakar, Al-Mufrad. C'est quoi ce Moussanna ? Hazani. Donc, tu dis Hazani Rasani. T'as vu, Awel ? Hada Nam. Hada Faslun. نعم انا فصل فصل فصل نعم في الكلاس هذا طالب هذان طالبان نعم هذا كتاب هذان كتابان نعم هذا قلم هذان قلمان هذا درج هذا مين درجاني ماذا هذا باب هذان بابان هذا مكتب هذان مكتبان هذا ملعب هذان ملعبان هذا مدرس هذان مدرسان نعم فهذا المذكر الآن سنرى في المؤنث رابعا حول كما في النموذج نموذج هذه عين هاتان عينان دونك منو اسم إشارة للمؤنث المفردة سي هاتان طيب هاتان الأول هذه الساعة هاتان ساعتان نعم هذه صحيفة هاتان صحيفتان نعم هذه سيارة هاتان سيارتان هذه حافلة هاتان حافلتان هذه حقيبة هاتان حقيبة المجد يا ما في هذه حقيبة هذان حقيبتان نعم هذه مساحة هذه مساحة هاتان مساحتان مساحة سي اون غوم اون ايبونج سي اون شوز بو اسويي طيب الخامس على الخامس on laisse que j'ai pas compris le renoncé pas le renoncé j'ai compris mais après quand je vois ce qu'il y a en dessous là, je vois pas ce qu'il veut c'est un peu le fawda donc inchallah de toute façon vous avez compris hein. Ça c'est une kitab awwal aslan ma atajan nata'akhar fi sadisan mubashara املا الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات المناسبة مما يلي ينطق خلصي وبالي أداء سلفت لكم بلان شوز السنة معروف تعلم Attends, la phrase, ils ont dû faire une erreur de harakat. Non, Toi, Al-Lima, j'ai compris. Non, c'est bon, c'est à cause du Anki. C'est toi, Al-Lima. Non, c'est bon. طيب الجمله الاولى من قصد فراغ ان تغسل يديك في الوضوء ثلاث مرات donc deux telle chose que tu laves tes deux mains lors de l'eau trois fois غسل يغسل في الوضوء غسل يغسل في الوضوء ثانيا يجب عليك ان فراغ ابنك كيف يتوضا donc tu es obligé طيب دو لو ترو لا طون فيس كومون فير لو دو ثالثا دخل الطلاب الفصل لفرا الامتحان دونك لي زيتيديون سون انتر دون لا كلاس بور لو ترو ليكزامان رابعا امتحان وان سي اكزامان كونترول او كوم سا رابعا الانسان ينطق والحيوان لا فرا دونك لتر هومان بارل les animaux ne et après le trou. Il y a aussi un autre tambi qui est écrit dans le dos. Il a dit quoi au début le ab taqul bismillah ar-rahman ar-rahim. Ça c'est pas wajib la basmala. C'est mustahab recommandé, mais si tu le dis pas c'est pas pour autant que ton dos il sera pas valable. Mais c'est pas bismillah, c'est faut dire la basmala entièrement. Non, c'est bismillah. C'est pas bismillah tout ça. C'est comme quand on mange, tu vois. Non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais il n'y a pas de. Ouais, pas de. C'est comme quand on écrit une lettre, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est pareil, en fait, c'est le fait de commencer une chose, on le fait pour Allah, c'est ça. Ouais, mais ça va pareil. Il y a des hadiths là que le Nabi Salam, il a commencé les lettres en écrivant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais là, il n'y a pas. C'est juste que c'est mustahab dans toute action que tu fais de faire la basmala. Quand c'est une ibadah, surtout. Et la fin de l'eau, qu'est-ce que tu dis? La shahada. La shahada. C'est le hadith de Omar, il dit « Ma minkum min ahadin yatawadda'u summa fayuthbi'u l'wudu summa yakulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah illa futihat lahu abwab jannati athamaniya yadkhulu min ayya sha'. » C'est-à-dire qu'il n'y en a pas parmi vous qui fasse l'eau et qui le fasse bien. Sans qu'ils après nous disent Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sans que les portes, les huit portes du paradis soient ouvertes, ils rentrent par celles qu'ils veulent. Et il y a une ziyada qui est apportée, mais apparemment elle est faible. C'est Allahumma jali min tawabin wa min tatahirin. Oh Allah, mets-moi parmi les purifiés et parmi ceux qui se repentent. Ouais, mais cet ajout-là, il a été. Il a été considéré comme faible. Mais cette petite divergence, tu vois, peut-être des savants l'ont rendu Hassan ou Adeli, en tout cas, ici, il était vu comme faible. Bien sûr, quand tu es dans le hammam, avec les toilettes à côté, tu ne le dis pas. Quand tu dans le hammam, à côté des toilettes, tu ne le dis pas. Dans le hammam? Ah ouais. Parce qu'ici, c'est pas comme en France. En France, les toilettes, c'est une pièce, ça devient c'est une pièce. Parce que souvent dans les traductions, les gens disent quoi? Le hammam, ils disent salle de bain. Ouais, c'est ça. Le hammam, à la base, c'est la pièce où tu réunis quand al-haja, là où tu fais tes besoins, et là où tu te laves. Mais tu as des appartements, des maisons où c'est séparé. Donc, appeler hammam salle de bain mutlakan, de façon catégorique, c'est pas bon. Vous voyez? À la base, dakhal al. Le lieu, ce qu'on appelle l'endroit où tu vas faire tes besoins, s'appelle Al-Khala. Vous voyez, comme dans les hadiths, c'est venu, parce qu'avant, il n'y a pas de toilette dans la maison. À l'époque du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, ils allaient faire leur besoin dehors. Il n'y a pas de toilette dans la maison. Donc, quand les gens ils traduisent, il faut qu'ils précisent. Quand ils disent Hammam, tu veux dire quoi? Sinon, tu vas dire les toilettes, tu vas dire quoi? Salle de bain. Et l'autre dit, salle de bain, il n'y a pas de toilette. Il dit, non, je dis pas Bismillah, mais pourquoi tu dis Bismillah? Il n'y a rien ici. C'est Hammam, il n'y a pas de tradition. Non, non, non, j'ai lu dans le livre, là, ils ont dit toilette. C'est ça, c'est traduit en français, il n'y a rien. En arabe, c'est pas ça que ça veut dire. Donc là où, comme ici, on est les deux ensemble, t'as le Hammam, dans le Hammam, t'as les deux, tu sais là, tu te laves, c'est là que tu fais tes besoins. Là, tu ne le dis pas, bien sûr. Et c'est makro. Ouais, bon, on rentre dans la partie Kara. Non. Il y a un frère là en France, il m'a dit aussi que c'est sous le mal de se couvrir la tête. Non. C'est vrai ça. Ah, c'est moi, j'ai demandé, mais... Le Nabi Salam, il avait tout le temps de couverte en général. Même les Arabes, okay, avant l'islam, c'était leur. L'aïmama, c'était parmi leur coutume. Et celui qui le fait, qui porte l'aïmama, par suivi du prophète Mohammed, c'est un rentre de la sunna. Mais c'est pas lui qui a porté ça, c'était une tradition. Mais sinon, c'était connu, ils avaient. Il y a même des savants qui disent que la découverte, c'était Chabou Bikoufar, à la base. Chabou, il voit ça, lui. Il était couvert, c'est parmi les. Parmi la maison. La maison, je crois pas, non. Mais dehors, quand tu sors, t'es couvert, non, c'est sunna. Moi, Kada. Mais c'est pas haram, t'es découverte, c'est pas. C'est une sunna, quoi. Une grosse sunna. طيب اولا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. Donc vous qui avez cru, si vous accomplissez la salate, alors lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, essuyez vos têtes et vos jambes jusqu'aux chevilles, aux deux chevilles. C'est la traduction relative à rapprocher qui revient, et là, comme tu vois le verset est vague. Précise pas comment tu fais. La sunna vient pour préciser comment faire. Ce qui te prouve que la sunna est indissociable du Coran. Et la sunna, kazalik, c'est une révélation, en soi. Soit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une révélation directe, ou qu'il a fait du shtihad, et qu'après la révélation, a approuvé cet shtihad que c'est une chose bonne. Donc ça c'est un rôle sur ce qui s'appelle les Coran Yun, les Coranites là, on parle que du Coran, bah ils savent ni faire salat, ni faire l'odo, ni comment jeûner, ni comment payer la zakat, ni comment faire le hajj, ni rien du tout. Et c'est les kadzabou, c'est les koufars à la base. Ça, c'est les koufars. Et kalimat jadida. Bada'a yabda'u, qui veut dire commencer à la fiam. Ou allama, yu'allimu, qui veut dire enseigner, apprendre. La fiam, kadalik. Enseigner, apprendre. Naam. Thanyan, elle est nakra. Arada al-ibnu an yadhhaba ma walidih il masjid lissalah. Donc le fils a voulu aller avec son père au masjid pour la salat. Fatalaba minhu waliduhu an yatawadda. Donc son père a voulu de lui qu'il fasse wudu. Walakin al-ibn la ya'rifu kayfa yatawadda. Cependant le fils ne sait pas comment faire wudu. Fasa'ala walidahu an al-wudu. Donc il demanda à son père comment faire wudu. فأجابه والده تقول بسم الله الرحمن الرحيم. Donc il répondit en lui disant tu dis la basmala, le fait de dire بسم الله الرحمن الرحيم. ثم غسل اليدين. Ensuite là ils ont pas le masdar غسل, mais nous on est obligé en français de mettre le verbe, donc tu laves les deux mains. ثم المضمضة فالاستنشاق والاستنفار. Ensuite, tu prends ta bouche pour la remuer et tu l'aspires par ton nez. Et quand on met fa là, c'est pour une action qui suit directement derrière. Wa al-istinfar. C'est quoi ça, al-istinfar dans la vie, ça ? C'est faire ressortir l'eau par le nez. Thumma ghusl al-wajh. Ensuite, laver le visage. Tu laves le visage en fait. Ou à Roslo al-Yadein. Et tu laves al-Yadein et le Mefakein, afan. Et tu laves tes deux mains jusqu'au coude. Thumma masu aras wal-Uzunein. Ensuite, tu essuies la tête et les deux oreilles. Ou à Khiran, Rousse al-Rijlein et al-Karbein. Et pour finir, Akhiran pour finir, on va dire, en dernier, tu laves les deux jambes jusqu'aux chevilles, aux deux chevilles. Ba'da zalika, tatawadda. Enfin, بعد ذلك توضع الابن وتوجه مع والده الى المسجد. Après cela, le fils accomplit l'eau et se dirigea avec son père au masjid. on va à la mosquée. Inch'Allah d'être petit, parce qu'à la base, le salam connaît que si le fils est à 7 ans, il faut leur donner de faire la salat. Donc à moins à 7 ans, au minimum, il sait faire le dos. Faire la salat. Et à 10 ans, s'il ne la fait pas, tu le frappes. D'ailleurs, Farifan, Adib, on est assassin à Atiya. Et là, ça coupe le bait. Et pour question suivante. Hel, Ya'liful Ibnu, Kefet Abadda. Est-ce que le fils sait comment faire le dos? Man allama al-ibna al-wudu'a. Qui enseigne au fils comment faire le dos en fait? Le dos. Thalithan, bimaza yabda'u al-wudu'. Par quoi commence-t-il le dos? Maza taf'alu ba'd al-istinshaq. Que fais-tu après avoir aspiré l'eau par le nez? Maza tafalu bad mas al ras. Que fais-tu après avoir essuyé la tête? Il a aina tawajjah al ibn ma walidi. Où se dirigeait le fils avec son père? Wa kada. Ma fuma da. Wa adan shalat tayammum. سؤال؟ لا. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.